Alors bonjour pour commencer. Même s'il y avait 1000 personnes dans la salle, ce serait la même chose que d'avoir l'équipe B du Canadien, mais c'est correct. Non, c'est une blague. On l'a dit à plusieurs reprises, je l'ai dit à peu près à chaque fois que je me suis présenté ici pour vous parler de Nombre. Le Nombre, c'est un livre qui parle d'un peuple qui est en marche. Mais c'est aussi le récit d'un peuple qui est troublé, qui est fragile. Pas besoin d'être très explicite sur le sujet, le livre s'étend beaucoup là-dessus. Et non seulement fragile, le peuple est souvent rebelle. Et continuellement confronté à son impureté. Et ce problème-là est grave. Tellement grave que le prochain chapitre est consacré exclusivement à cette question-là. Pourquoi ce problème-là est-il grave? Parce que Dieu habite au milieu de son peuple. Et la question demeure inévitable. Comment des hommes impurs peuvent-ils demeurer vivants devant un Dieu saint? C'est le titre de mon message, d'ailleurs, qui est derrière moi. Tout ce qu'on va voir ce matin va tourner autour de cette thématique. Rester vivant en face d'un Dieu qui est saint. Et cette angoisse-là du peuple va éclater au chapitre 17 de Nombre. Le peuple va dire à Moïse à cette occasion, « Voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer, mourir? » Et Nombre 19 qu'on va voir ce matin, c'est la réponse de Dieu à cette angoisse. Mais la réponse de Dieu, c'est jamais une réponse cheap, c'est jamais une réponse de seconde zone. Dieu ne va pas abaisser sa sainteté pour répondre aux angoisses de son peuple. Il ne fait pas non plus comme si l'impureté est un détail. Au contraire, il va donner un moyen de purification et il va ouvrir lui-même un chemin. Donc, le chapitre 19 qu'on va voir ce matin, c'est à plusieurs égards quelque chose qui est complètement étranger à notre façon de vivre aujourd'hui, à notre compréhension de ce que c'est la vie. Il y a des rites, il y a des manipulations, tout ça nous semble lointain. Il y a la vache rousse, les cendres, l'eau vive, l'aspersion, blablabla. À première vue, ça peut sembler étrange. Mais comme d'habitude, quand on creuse la parole de Dieu, il y a une signification derrière toute chose. Il ne faut pas tenter de lire le chapitre 19 comme étant un vieux reste de religion ancienne. Il faut lire comme une révélation qui est préparatoire, comme une figure, comme une annonce. En réalité, le chapitre 19, c'est une page importante de la pédagogie de Dieu. Donc, l'intention aujourd'hui dans cet enseignement-là, c'est pas simplement d'expliquer un rite ancien. Le but, c'est de mettre en lumière ce que Dieu a d'abord appris à Israël dans Nombre 19, dans le désert. Et cet enseignement-là, c'est que nul ne peut vivre devant lui sans purification. Puis, il va s'agir de suivre cette vérité-là dans l'histoire du salut, jusqu'à ce qu'on accomplisse par Jésus-Christ et son application à son peuple par le Saint-Esprit. Et remarquez bien cette association, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. On va voir ça aujourd'hui. Donc, pour suivre cette logique-là, aujourd'hui, je vais procéder d'une manière très particulière. On va commencer par reprendre le chapitre 19 dans son déroulement. On va voir ensuite ce qu'il enseigne sur la purification, comment il s'insère dans le système lévitique, le système de la loi sous l'Ancien Testament, sur quel sacrifice ça repose. Puis, on va voir comment les prophètes en annoncent l'approfondissement avant son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, on va suivre une séquence ce matin. On va lire le passage. C'est 22 versets. On va y aller rapidement. Donc, l'Éternel parla à Moïse, Nombre 19, L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Voici ce qui est ordonné par la loi, que l'Éternel a prescrite en disant, « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. » Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui.

et rappelle la gravité du refus de se purifier. Donc, versets 1 à 10. Donc, Dieu ordonne un rite qui est unique. Une vache rousse, sans défaut, qui n'a jamais porté le joug. Déjà là, pourquoi on insiste sur la couleur de la vache? Le roux rappelle le feu, mais c'est surtout aussi que, dans ce contexte, dans le désert, une vache rousse, c'est rare, c'est unique. Donc, une vache rousse qui n'a jamais porté le joug, elle est conduite à l'extérieur du camp, à l'extérieur de l'assemblée. Elle est immolée, cette vache, elle est brûlée entièrement. Son sang est aspergé vers le sanctuaire. Donc, le sacrificateur qui vient d'immoler la vache va asperger le sang en direction du sanctuaire qui, lui, est au milieu du camp. Ensuite, un homme pur, rituellement pur, va recueillir les cendres et va les conserver dans un lieu pur, à part, pour préparer plus tard ce qu'on appelle l'eau de purification. Et rien n'est arbitraire ici. En fait, Dieu met en place un rite qui est précis, qui est rigoureux et qui est chargé de sens. Et le texte va déjà suggérer plusieurs accents théologiques. La victime est unique, hein, je l'ai souligné, la vache rousse. Le rite se déroule à l'extérieur du camp, pas au milieu du peuple, pas dans le lieu habituel du sanctuaire, pas au tabernacle, non, dans le désert à l'extérieur du camp. Et les cendres sont conservées. Et Dieu va préparer d'avance le moyen de traiter les souillures qui vont revenir immanquablement. Versets 11 à 16 maintenant. C'est la seconde partie du chapitre. On va passer du rite à son usage. Et celui qui touche un mort, un ossement humain, un sépulcre, ou qui entre dans une tente où se trouve un mort, devient impur pendant 7 jours. Ça laisse beaucoup d'occasions de devenir impur, hein? Et tout ça au contact de la mort. Je tiens à souligner, le refus de la purification ne laisse pas l'homme dans un état neutre. Cet homme-là qui est impur, il souille le sanctuaire et s'expose à être retranché de l'assemblée. Il ouvre lui-même médule dans tout ça, là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas devant un détail cérémoniel, hein? L'impureté touche à la communion avec Dieu et elle touche aussi à la place dans le peuple et à la possibilité même de vivre devant sa face. Dernière partie du chapitre 17 à 22, c'est l'application concrète du rite. La dernière partie va expliquer comment l'impur doit être purifié. Et je rappelle ce que le chapitre nous dit, on prend de la cendre de la victime expiatoire, donc on prend la cendre de la vache qui a été consumée, on y ajoute de l'eau vive. Ensuite, un homme qui est pur va asperger la personne souillée, sa tente, les objets concernés, le troisième jour ainsi que le septième. Et le texte va se terminer par un rappel, l'impureté se propage. L'impureté peut être communiquée et la purification doit être réellement appliquée pour être efficace. On ne peut pas faire à semblant de purifier. Mais si on prend le chapitre en entier, le chapitre 19, ça enseigne une vérité qui est capitale, qui est simple, mais qui est capitale. L'impureté n'est pas réglée par le temps qui passe. Ça ne disparaît pas de lui-même. Ça ne disparaît pas d'elle-même. Il ne suffit pas d'attendre pour que ça disparaisse. Elle doit être traitée, l'impureté, selon le moyen qui est prescrit par Dieu. Et déjà ici, Dieu va montrer 3 choses. Il faut une victime, il faut une purification qui est réelle, et il faut une soumission à l'ordonnance divine. Et le message est simple. Sans sacrifice, il n'y a pas de cendre. S'il n'y a pas de cendre, il n'y a pas d'autre purification. Et sans purification, ben l'impur demeure impur. Mais maintenant qu'on a vu le chapitre de près, on peut rentrer dans l'enseignement à proprement parler. Et la vraie question commence ici. Pourquoi Dieu insiste-t-il autant sur la purification? Pourquoi est-ce que cette question-là est si grave? Et pourquoi est-ce qu'elle est indispensable pour vivre devant lui? Donc, dans Nombre 19, le problème n'est pas seulement rituel et encore moins hygiénique. Le problème est théologique. Le contact avec la mort place l'homme dans une situation d'incompatibilité avec la présence du Dieu vivant. Dans l'Écriture, la mort appartient au monde du jugement, au monde de la chute et au monde de la séparation. C'est pour ça que l'impureté est si grave. Être impur ici, c'est se trouver dans un état incompatible avec la sainteté de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec cette vérité-là? Changer les règles du monde, changer aussi la réalité de l'existence, mais quoi qu'il en soit, c'est ainsi. C'est la réalité du monde dans lequel on habite, qui a été contaminée par le péché. L'impureté, le contact avec la mort, ça place l'homme dans une situation d'incompatibilité avec la présence du Dieu vivant. Et dans l'Écriture, la mort appartient au monde du jugement, de la chute et de la séparation. Et je tiens aussi à dire qu'un peuple qui est souillé ne peut pas cohabiter avec le Dieu saint. C'est pour ça aussi que le texte va parler de retranchement. On a dit tout à l'heure que tout impur qui refuse de se purifier va être retranché, s'expose à être retranché de son peuple. Et à être retranché de son peuple, ce n'est pas une petite sanction religieuse, ce n'est pas une petite tape sur l'épaule puis une peine Netflix à la maison. C'est être exclu de la communauté, de l'Alliance, pour avoir méprisé la sainteté de Dieu et refusé le moyen de purification qu'il avait lui-même établi. Nombre 19 va répondre directement à l'angoisse de la fin du chapitre 17. On l'a vu tout à l'heure où le peuple qui était frappé par la crainte de mourir, s'il s'approche encore du tabernacle, découvre ce que ça signifie vraiment vivre devant la sainteté de Dieu. Ici, Dieu ne renonce ni à sa sainteté, ni à son peuple. Il renonce ni à l'un ni à l'autre. Il va ouvrir en fait une voie de purification. La grâce ne consiste pas à nier la souillure, mais à y répondre. Dieu exige un peuple pur, il donne donc lui-même le moyen de le purifier. Et ce principe-là traverse toute l'Écriture, c'est ça qui est important. Déjà dans Lévitique 14 et 15, qu'on n'a pas vu ensemble et qu'on ne verra pas ici, parce que vous trouvez ça aride ce matin ce qu'on fait? Dites-vous que Lévitique, ça l'est encore plus. Mais juste pour vous mentionner, dans Lévitique 14 et 15, pour être compté dans le peuple de Dieu et vivre normalement au sein du camp, il fallait être purifié. C'était un état obligatoire. Les distinctions entre pur et impur, les sacrifices, les aspersions, les délais, les lavages, les exclusions formaient une pédagogie de la sainteté. Déjà. Et cette application-là à l'Église, elle est directe. Parce que je veux souvent faire des applications à l'Église. L'Église qui perd le sens, une Église qui perd le sens de la sainteté de Dieu, bien, elle va finir par banaliser la grâce. Et une prédication qui ne parle plus de souillure, de purification, de péché ou de réconciliation avec Dieu, bien, ça finit juste par donner un discours de réconfort moral. Pour prêcher Dieu, il faut prêcher le péché, il faut prêcher la souillure. Il faut prêcher aussi la réconciliation, donc la purification. Mais il faut aller plus loin. Ce qu'on vient de voir au sujet de la purification, ça ne relève pas d'un rite qui est isolé. Ça s'inscrit dans tout un ensemble de prescriptions par lesquelles Dieu formait son peuple à la sainteté sous l'Ancienne Alliance. Ce qu'on voit au chapitre 19, ce n'est pas tout seul. Dans l'Ancien Testament, il y a déjà tout un ensemble de choses qui encadrent la sainteté ou qui forment le peuple à la sainteté. C'est pour ça qu'on va passer au point suivant. L'autre purification, ça s'insère dans tout le système lévitique de la loi. L'autre purification, dans Nombre 19, ce n'est pas un rite marginal. Ça appartient à un système entier voulu par Dieu pour régler la vie d'Israël sous l'Ancien Testament. Parce que ça va changer plus tard. Les sacrifices, les distinctions entre pur et impur, les prescriptions touchant la chair et le sang, les écoulements, la maladie, la mort, les temps sacrés et l'accès au sanctuaire, ça formait une pédagogie globale de l'Alliance. Jour après jour, Israël devait apprendre que la sainteté de Dieu exigeait une séparation réelle d'avec l'impureté. Cette pureté-là, non plus, ne pouvait pas être produite spontanément par l'homme. Toute la vie se déroulait sous cette vérité-là. Pour vivre devant Dieu, il faut être continuellement purifié pour être en sa présence. Et dans cet ensemble-là, l'eau de purification qu'on a vu au chapitre 19, ça occupe une place particulièrement parlante, parce qu'elle touche à la souillure de la mort. C'est l'un des signes les plus puissants du désordre introduit par le péché dans le monde, hein? C'est la mort. Elle rappelait que le problème de l'homme est plus profond qu'une liste de fautes ponctuelles. Toute son existence se déroule à l'ombre de la mort. Et toute son existence a besoin d'être réordonnée par Dieu. Donc, le rite de la purification, de l'eau de purification, comme les autres sacrifices et prescriptions qu'on retrouve dans l'Ancienne Alliance, ce rite ne trouvait pas sa fin en lui-même. Son but, ce n'est pas juste d'accomplir un rite et « merci, bonsoir, je suis en règle avec Dieu ». Ça faisait partie d'un ordre provisoire par lequel Dieu enseignait à son peuple la gravité de l'impureté, l'impossibilité de se rapprocher de lui sans médiation et la nécessité d'une purification reçue plutôt que produite par l'homme. En ce sens, l'eau de purification résume toute la logique cultuelle de l'Ancien Testament. Mais dans le livre des Normes, on est encore à l'époque de Moïse. Bon, le rite est là, le principe est là, mais tout n'est pas encore pleinement dévoilé. Pour ça, il va falloir attendre les prophètes qui vont venir plus tard, dans l'histoire du salut. Et là, la logique de la purification va passer du rite au cœur. Il va y avoir des éclaircissements progressifs qui vont venir par la bouche des prophètes qui vont précéder Jésus. La grande charnière biblique ici, là, c'est Ézéchiel 36, 25, 27. Ézéchiel 36, 25, 27 dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous. » Ce texte-là d'Ézéchiel reprend la logique sacerdotale de la purification. Mais il va la transporter sur un autre plan. On n'est plus simplement dans l'ordre d'une souillure rituelle causée par la mort. On est dans l'ordre d'une souillure morale et spirituelle que Dieu seul peut ôter. L'eau pure devient le signe d'un lavage intérieur. Le don de l'esprit devient la réalité du renouvellement du cœur. Il faut noter que cette ligne-là d'Ézéchiel n'est pas isolée. Zacharie 13, par exemple, annonce une source ouverte pour le péché et pour l'impureté. Ésaïe 44 associe l'effusion des eaux sur le sol altéré et l'effusion de l'esprit sur la descendance du peuple. Autrement dit, l'Ancien Testament lui-même va préparer la transition. Oui, Zacharie 13, Ésaïe 44. Sinon, derrière moi. Non, ils ne sont pas là, je ne les ai pas mises. Bon, je vous donnerai mes notes pour ceux qui tiennent absolument à les avoir. 44. Zacharie 13. Donc, l'Ancien Testament va préparer la transition. Ce qui était figuré par l'eau de purification dans Nombre 19 va être un jour accompli comme une purification intérieure. C'est ça qui est annoncé petit à petit dans la révélation progressive de Dieu. Et le chapitre va poser le principe, le chapitre 19, bien sûr, « Nul ne demeure en présence de Dieu sans purification. » Ça, je l'ai dit. Mais les prophètes vont annoncer ensuite que cette purification-là ne restera pas externe et figurative. Elle va finir par atteindre l'homme intérieur, jusqu'au cœur. Et ça va être lié, chose importante, au don de l'esprit. Ainsi, ce que la loi enseignait sur le rite, par le rite, prépare déjà ce que l'Évangile va révéler clairement plus tard. Voyez-vous le rôle de charnière ici que les prophètes jouent entre nombre 19 et ce que Jésus va venir faire ensuite? Rassurez-vous, on va y aller en ordre, on va arriver jusqu'à ce que Jésus dit. Et pour nous, l'Église, ça signifie que les ordonnances de l'Ancien Testament sont pas des vieux textes sans portée pour nous. Ça nous aide à comprendre ce que Jésus a fait. Ça s'inscrit dans le déploiement d'une même révélation au sein d'une même histoire, conduite par un seul dessein, le dessein de Dieu. Dieu annonce d'abord sous forme de figure, ensuite il va parler plus clairement par les prophètes, et enfin il va accomplir pleinement Jésus-Christ. Voici comment ça se passe. Et une fois les prophètes entendus, les paroles de Jésus à Nicodème, que nous allons maintenant voir, deviennent beaucoup plus claires. Quand Jésus, dans l'entretien avec Nicodème dans Jean 3, parle d'une naissance d'eau et d'esprit, il ne change pas de sujet. Il reprend cette promesse de purification intérieure et va l'appliquer au salut lui-même. Donc, lorsque Jésus va déclarer à Nicodème, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Il ne lance pas ici une formule qui est obscure, qui est sortie de nulle part. À qui est-ce qu'il est en train de parler, là, Jésus? Il est en train de parler à un maître en Israël, à un docteur de la loi. Autrement dit, Jésus s'attend à ce que Nicodème comprenne l'arrière-plan de ses paroles. Nicodème comprend l'Ancien Testament. Les références d'Ézéchiel, d'Ésaïe, de Zacharie, il les connaît sur le bout de ses doigts. Et Jésus s'attend à ce que Nicodème fasse des liens. Donc Jésus reprend tout un langage déjà préparé par l'Ancien Testament et par Ézéchiel 36 notamment. Celui de l'eau qui purifie, du cœur qui doit être renouvelé et de l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Le point ici est capital. Jésus ne parle pas de deux choses séparées. Il parle d'une seule et même œuvre de Dieu. L'eau renvoie à la purification, l'Esprit renvoie au renouvellement intérieur. L'un lave, l'autre vivifie. Mais au fond, c'est le même acte de grâce. On n'entre pas dans le royaume parce qu'on connaît la loi ou parce qu'on mène une vie religieuse sérieuse, on y entre parce que Dieu purifie et renouvelle. Et le reste du Nouveau Testament va développer cette même cohérence. Je vous donne encore des références. Tite 3:5 parle du bain de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Éphésiens 5:26 parle du lavage d'eau par la parole. 1 Pierre 1:23-25 va rattacher la nouvelle naissance à la parole vivante de Dieu, c'est-à-dire à l'Évangile annoncé. Donc, il faut tenir... Bon, je vous pitche des choses comme ça, mais il faut juste se rappeler qu'il faut tenir ensemble trois éléments. D'abord, le sacrifice de Christ. C'est lui le fondement. Ensuite, la parole de l'Évangile. C'est par elle que cette grâce nous est annoncée. Enfin, le Saint-Esprit. C'est lui qui applique cette œuvre, l'œuvre de Christ, à notre cœur, avec puissance. Et c'est ici, sous cet aspect, que la typologie de nombre 19, elle devient lumineuse. Sous l'Ancienne Alliance, Dieu donnait cela en figure. Tout ça, c'était une image, une figure. On avait une victime consumée, hein, la vache. Puis on avait une purification qui est appliquée à l'impur. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus une image. C'est la réalité même qui se produit. Le Fils crucifié, hein, Jésus, crucifié et ressuscité, purifie son peuple, c'est-à-dire ses enfants, c'est-à-dire nous. Il purifie son peuple d'une manière définitive. Définitive. Et le Saint-Esprit applique à la conscience et au cœur les bienfaits de cette œuvre parfaite. Et j'insiste sur le fait que c'est définitif. Et cette image-là, encore une fois, dans l'ombre, on l'a. Une fois qu'on avait brûlé la vache, on pouvait conserver les cendres durant très longtemps. Il suffisait juste d'en prendre un petit peu pour faire préparer le mélange de l'eau de purification. On peut en avoir quasiment à l'infini. Ici, c'est une image de la durée. C'est une image de la permanence, de l'efficacité du sacrifice. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il est mort une fois, et il est mort une fois pour toutes. Pas besoin de répéter ce sacrifice-là. Donc, c'est exactement ce contraste-là que l'Épître aux Hébreux va mettre en avant. Si les cendres, puis là ici je vais paraphraser un peu hébreu, si les cendres d'une génisse sanctifiaient pour une pureté extérieure, combien plus le sang du Christ purifiera-t-il la conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Ça, c'est dans Hébreux 13. Le passage est clair. Ce que l'Ancienne Alliance annonçait, Jésus l'accomplit pleinement. Donc, l'application pour nous, elle est très concrète. Personne n'entre dans le royaume par simple proximité religieuse. Parce que vous êtes né dans la bonne famille, parce que vous connaissez la Bible, parce que vous appliquez des bons principes dans votre vie, par héritage, par familiarité avec les choses saintes. Personne n'entre dans le royaume de cette manière-là. Pour entrer dans le royaume, il faut être lavé. Il faut être lavé par la grâce de Dieu. Il faut être lavé par la grâce de Dieu en Christ et renouvelé, lavé par l'Esprit. Au fond, tout revient à ceci. Pour vivre devant Dieu sans périr, il faut un sacrifice qui sauve. Il faut une purification qui lave. Dans Nombre 19, il y avait la victime consumée, d'une part, et l'eau de purification, d'autre part. Dans l'accomplissement que Jésus est venu faire, que Jésus est venu effectuer, il y a Jésus-Christ crucifié. Et il y a l'Esprit, et l'Esprit qui applique au cœur ce que la croix a obtenu. Le sang expie, l'eau lave. Le sacrifice, lui, il sauve. Alors, si Christ l'accomplit, son appel demeure. Aujourd'hui encore, aujourd'hui plus que jamais. Si vous êtes sans Christ, vous êtes impur. Ne vous abritez pas derrière la religion, ni derrière la morale, ni derrière une proximité extérieure avec les choses de Dieu. Nul ne peut tenir devant le Dieu saint en demeurant dans son impureté. Il est sous le jugement, il est sous la mort. Le jugement reste sur quiconque refuse la purification que Dieu a lui-même pourvue. Il a donné le moyen aux Israélites dans le désert. À nous aussi, il nous donne le moyen d'accéder à lui et à devenir purs. Et Dieu a pourvu. Donc l'appel est là. Venez à Jésus-Christ. Venez à celui qui sauve réellement. Venez à ce qui lave et ce qu'aucune religion ne peut laver. C'est ce qui distingue vraiment Christ de tout ce que les hommes ont institué pour s'approcher des dieux ou des forces célestes. Les hommes ont institué des rites. Dieu, lui, il lave et il rend pur. Et à tous ceux qui croient déjà et qui sont vraiment les enfants de Christ, ben, demeurons dans cette vérité. Le sacrifice de Christ y est efficace une fois pour toutes. Hein, c'est une même vérité. Le sacrifice de Christ suffit pour sauver. L'Esprit de Dieu suffit pour renouveler. C'est aussi simple que ça. Bonne semaine.